bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Stimuler l'énergie du bonheur en nous ». C'est moins malheureux que du malheur, c'est du bonheur. Est-ce que le bonheur, d'abord, c'est une énergie? L'heure, c'est le temps. Du bon temps, c'est du bonheur. L'heure, c'est le temps. Du malheur, c'est du mauvais temps. Alors, avoir du bonheur, c'est avoir du bon temps. Cela implique que le bonheur, c'est quelque chose qui ne peut pas se cumuler, qui ne peut pas se prévoir, c'est quelque chose qui se vit dans l'immédiat. Est-ce que c'est une énergie? C'est une expression de l'énergie. Quelle est la différence entre l'énergie du malheur et l'énergie du bonheur? Bon, je pense que pas mal tout le monde sait la différence entre le malheur et le bonheur. Entre le vivre, mais entre l'énergie, est-ce qu'il y a une énergie qui est plus haute ou plus basse, ou plus forte, ou plus vite, ou moins vite? Non, il y a une des deux énergies qui n'appartient pas à l'humain, puis il y a une des deux énergies qui appartient à l'humain. Lorsque l'humain vit le malheur, il n'est pas dans son monde. Lorsqu'il vit le bonheur, il est dans son monde. Dans quel monde il est quand il n'est pas dans son monde? Il est dans le monde des autres. Il est... Quels autres? Pas les autres humains. Je ne parle pas du bonheur collectif, ça n'existe pas. Quand un être humain est malheureux, c'est qu'il est dans le bonheur des autres, c'est-à-dire qu'il est dans l'énergie des autres, il est dans le monde des autres, il est dans la vie des autres, du point de vue de la psychologie. Il est collectif, il est assujetti à des modes physiques, des modes vitaux, des modes psychologiques, des modes mentaux, des modes religieux, des modes spirituels. Son bonheur est nécessairement déterminé par le bonheur des autres. Plus les gens sont malheureux autour de lui, plus lui sera malheureux. Il y a des personnes, de toute façon, qui sont presque heureuses et qui se sentent tellement coupables de l'être, ils ne se retrouvent pas là-dedans, ils ne comprennent pas ce qui se passe, puis nécessairement, ils sont donc malheureux. Parce que si on fait dépendre notre bonheur du bonheur des autres, on réussira à être malheureux. C'est-à-dire qu'on sera toujours dans une vie, dans un monde qui n'est pas le nôtre. Un être humain qui est totalement centré dans son monde à lui est un être humain qui a totalement le bonheur. Donc, il exprime l'énergie du bonheur, c'est-à-dire qu'en réalité, il exprime l'énergie de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il exprime sa propre intelligence au travers de ce qu'il est. Automatiquement, il est, on peut dire, heureux, il a le bonheur, mais c'est une forme d'énergie, une forme de gustation, une forme d'expérience qui n'a pas encore été décrite par les poètes ou par les philosophes, parce que ceux-ci ont décrit l'illusion, ils ont décrit le but, ils ont décrit ce que l'humain recherchait, le bonheur, mais ils n'ont jamais connu le bonheur. Donc l'être humain qui se centre dans son propre monde, l'être humain qui cesse d'être centré dans le monde des autres, c'est un être humain qui parvient au bonheur. Quelle est la différence entre être centré dans son propre monde, comme tu dis, puis être égoïste, comme on l'entend de façon archétypale ou de façon... Pour ça, égoïste, ça n'existe pas trop, égoïste. Et pour reconnaître le phénomène de l'égoïsme, il faudrait découvrir des gens qui ne le sont pas. Parce qu'on dit que les gens qui ne pensent qu'à eux sont des égoïstes. Oui. Qui ne pensent qui dit ça, ceux qui aimeraient que les gens qui pensent à eux pensent à eux. Autrement dit, il n'y a que les égoïstes pour traiter les autres d'égoïstes. Si moi je te trouve égoïste parce que tu ne penses pas suffisamment à moi, c'est donc que je pense tellement à moi que je considère que toi aussi tu devrais penser à moi. Sinon, tu es un égoïste. Alors, il n'y a que les égoïstes qui considèrent les autres égoïstes. Mais il n'y a pas d'humain qui est cosmiquement égoïque. Être centré sur soi, ça veut dire être quoi? Centré sur soi, ça peut vouloir dire deux choses. On peut être centré uniquement sur un système d'écologie qui nous appartient, c'est-à-dire que nous, avant tout, on peut être centré sur soi en fonction de l'ego, c'est-à-dire que nos mémoires, nos désirs, nos émotions passent avant tout. Il y a une nuance, c'est que l'être humain n'est pas uniquement de la psychologie, ce n'est pas uniquement un corps physique. Donc, par exemple, je ne peux pas dire, eh bien, j'embellis mon corps physique avant tout. À un moment donné, j'aurai des problèmes de santé, j'aurai des problèmes qui seront d'ordre vital, j'aurai des problèmes d'ordre psychologique aussi, des problèmes d'identification, j'aurai certains problèmes. L'être humain ne peut pas dire non plus, je ne m'occupe que de ma psychologie. À un moment donné, il sera obèse, il sera encore malade, il aura des accidents, il ne vivra pas longtemps, il souffrira, peut-être qu'il dormira mal, parce qu'il ne s'occupe pas assez de ses autres corps. L'être humain est pluriconstitué. Et si on veut parler du bonheur, si on veut parler de n'importe quel phénomène ascensionnel, c'est-à-dire qui permet à l'humain d'améliorer sa condition, on doit nécessairement parler du minimum des quatre corps, c'est-à-dire le corps physique, la vie qui le maintient, donc le corps vital, quand on manque de vie, on est fatigué, on est malade, le corps psychologique, le corps astral, qui, lui, est l'agglomération des désirs, des mémoires et de l'émotion chez l'humain, et le corps mental, qui nous permet de temps en temps d'être un peu plus logique, de devenir écologique, de devenir conséquentiel, et pour certains aussi le corps supramental, c'est-à-dire l'esprit saint, l'intelligence supramentale, intelligence active, qui a la faculté de permettre à l'homme et à la femme et à l'enfant de parvenir progressivement à se centrer dans leur monde à eux, donc à se désassujettir du monde collectif, à se désassujettir de tout ce que les autres veulent faire de notre plan de vie. C'est-à-dire que si quelqu'un vous insulte, vous vous sentez, vous perdez un peu le bonheur. Pourquoi? Parce que vous considérez que l'autre a la capacité de venir dans votre monde. Mais personne ne peut insulter personne. Si je te dis que tu es beau, ça ne devrait même pas faire accélérer ton cœur. C'est vraiment, on est dans deux mondes. Si je te dis que tu es laid, ça dépend de mes yeux, ça dépend de ce que je considère laid, ça dépend de tellement de choses. Parce qu'on est dans un monde collectif, on considère que la vision d'un autre est automatiquement convenable. S'il me dit que je suis laid, je devrais normalement penser qu'il a peut-être raison. Pour être sûr qu'il a tort, je devrais le convaincre, donc changer sa vision, que je suis beau. Je peux le faire de plusieurs façons. Je peux lui dire, voyons, regarde comme il faut. Ou je peux lui dire, t'es encore plus laid que moi. Différence de potentiel, si t'es plus laid, c'est que je suis plus beau. Mais on n'en sort pas. On est toujours en train de perdre notre énergie, alors on ne peut pas trouver du bonheur, parce que le bonheur est finalement une plénitude. Le bonheur, c'est une plénitude physique, donc le corps physique est en parfaite santé. C'est une plénitude vitale, donc vous êtes en parfaite santé, vous êtes réveillé, vous digérez rapidement. C'est une plénitude du point de vue astral, donc psychologiquement, vous êtes sécure. Vous n'avez pas besoin de l'accréditation d'autrui, donc vous ne pensez pas à ce que les autres vont dire ou penser de vous. Vous n'avez pas peur d'être inférieur ou d'être supérieur dans la vision de quelqu'un ou dans la vôtre. On est une plénitude astrale, plénitude psychologique, on n'a pas peur des fantômes, on n'a pas peur de la nuit, on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de la vie. C'est aussi une plénitude mentale. Une plénitude mentale, c'est que l'on reconnaît dans le mental la capacité qu'a le mental de court-circuiter l'ego. Autrement dit, de court-circuiter la pensée. Et c'est une plénitude, donc, dans ces quatre plans, qui fait en sorte que l'homme et la femme n'ont plus de questions qui leur amènent la fièvre de l'évolution pas à se poser. Ce sont des êtres humains qui sont heureux, donc qui ont le bonheur, uniquement parce qu'ils sont capables de se conscientiser, capables de voir les lacunes dans le monde, sans souffrir de leur vision. Alors que l'être humain qui normalement se conscientise sans être suffisamment centré dans son énergie, dans son monde, donc celui qui se conscientise en se centrant dans le monde d'autrui, à un moment donné ne peut pas être heureux. Parce que, as-tu vu comment ils sont manipulés? Mais c'est ça, il est dans le monde des autres. Alors il souffre de la manipulation, même si lui aurait la capacité de ne plus être assujetti à la manipulation. Alors il va dire, as-tu vu comment il est gros? As-tu vu comment il est grosse? Alors, il souffre de l'obésité de l'autre alors qu'il a la capacité de ne pas être obèse. L'individu qui reste collectif, et nécessairement, on le sait, l'évolution des humanités a toujours été une évolution extrêmement collective parce que c'est la seule façon d'empêcher l'humain d'arriver à une plénitude énergétique qu'on appelle le bonheur. Auquel des quatre plans le bonheur appartient? À tous les plans. Un bonheur physique, un bonheur vital, mental, supramental, astral. Oui, tu peux avoir un bonheur. Quelqu'un, à un moment donné, disait, le bonheur, c'est tous les malheurs que l'on n'a pas. Alors, l'handicapé, quadriplégique, totalement muet, avec deux yeux en moins, lui, il est totalement heureux parce que son auto tombe jamais en panne, il n'a pas. Son avion ne risque pas de s'écraser, il apprend pas, sa femme ne loge pas, il n'a jamais eu de femme. Ses enfants ne se droguent pas, il n'a pas d'enfant non plus. Bref, il est bonheur total. Si tu compares, si tu regardes tous les malheurs qu'il n'y a pas, ah, quel heureux homme, quelle heureuse femme. Bref, finalement, on est tous super heureux parce qu'avec les malheurs qu'on n'a pas. Sauf que ce n'est pas ça. L'être humain qui se dit psychologiquement comblé, ne peut pas être heureux, elle ne peut pas être heureuse, tant qu'elle n'aura pas une plénitude énergétique au niveau des trois autres plans. La personne qui a un corps physique en extraordinaire santé ne peut pas toucher le bonheur tant qu'il n'aura pas de plénitude sur les trois autres plans. L'intellect, la personne qui a une plénitude mentale, le savant, celui qui est toujours en train de faire de la logifération, celui qui s'amuse, il ne peut pas, il ne connaît pas le bonheur. Ah, peut-être qu'il ne connaît pas le malheur, il ne connaît pas le bonheur. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore de plénitude. De temps en temps, il se lève le matin, il a mal au dos, courbaturé partout. Il travaille dans son laboratoire, le corps va aller se coucher, le corps vital va aller se coucher, l'ego va aller se coucher, ils n'en peuvent plus. Ses yeux se ferment, le mental veut continuer à travailler. Et il ne peut pas connaître le bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas une jouissance, ce n'est pas une extase de l'ego. Pour atteindre le bonheur, il faut donc synchroniser totalement tous les corps? Oui. Et comment on fait ça? C'est la deuxième question, ma première partie de question. Synchroniser les corps, c'est facile. C'est évident que la conférence, on pourrait la résumer très rapidement, mais les égos veulent toujours des réponses extrêmement compliquées pour, par la suite, accepter les réponses qui sont simples. Ben, tu pourrais donner la simple, on la compliquera après. Non, parce que si je donne la simple, ça complique tout. Complique-nous ça, fais-nous ça simple. Ou simplifie, fais-les compliquer. Ben, c'est ça. Quand tu dis à quelqu'un qui dit « Comment puis-je être heureux? » Sois heureux. Cesse de chialer, ben c'est ça. Sois heureux. Ah ouais, ben, facile à dire. Oui. Effectivement. Bonne nuit. Mais si tu me dis « Synchronise tes corps », c'est pas aussi évident que « Sois heureux ». Non, mais par contre, la personne qui se centre dans son monde, qu'est-ce que c'est son monde? Il faut prendre conscience de certaines choses. Bon. Souvent, l'être humain a l'impression qu'il vit sur la même planète. On peut prendre l'exemple des tombes juives qui ont dernièrement été barbouillées par de la peinture, par des personnes qui réincarnent des personnalités du nazisme. Les personnes en souffrent. Pourquoi? Pour la simple raison que ces personnes n'ont pas l'instruction nécessaire pour comprendre que les individus qui ont été enterrés là sont en majorité réincarnés chez elles. Donc, c'est exactement comme si toi, on te barbouillait le visage ou ta propre tombe de peinture, avec en même temps, parce que c'est pénible pour l'individu qui n'est pas centré dans son monde, l'égrégore nazi est un égrégore qui attire énormément de maléfices sur le peuple juif. Alors, toi, tu es un juif, tu as été enterré il y a de cela 30 ans, et à un moment donné, bien sur ta tombe, donc le canal qui nous permet de te retrouver quelque part dans le monde, on vient placer les égrégores du peuple nazi. Cela veut dire que tout ce qui reste de maléfisme naziste par l'égrégore rentre dans ton canal, te suit, vient te rechercher. Comme plusieurs sont vivants et donc les parents, ceux qui sont morts, sont réincarnés dans les vivants, ces personnes-là souffrent énormément de voir ce qui arrive. Alors qu'on barbouille de la roche. Et là, on va dire, oui, mais on peut s'offusquer, on peut, bon, plein de choses. L'humain se plaît à souffrir. Dans la manipulation de l'humain, de l'homme, de la femme, il y a tellement de médiocratie qu'ils s'interdisent. Et vous interdisez régulièrement la capacité d'arriver à vivre dans son propre monde. Première chose qu'on a inculquée, qu'on a implantée dans la conscience de l'humain, c'est justement le phénomène de l'égoïsterie. Vous êtes égoïste. Ça, c'est un défaut. Alors que l'être humain égoïste exprime plus souvent une qualité qu'un défaut. Surtout que finalement, nous le devenons tous, mais par personne interposée. Je te donne, mais si tu es bien élevé, quand tu reçois, tu dois savoir que tu dois aussi de temps en temps donner. Autrement dit, je me donne ce que vous allez me donner, et pour me le donner, je vais vous donner ce que vous voulez recevoir. Mais on en est à la même chose. Veux-tu de l'eau? Je t'en offre. Merci. Là, je m'attends à ce qu'il m'en offre, parce que sinon, il va être égoïste. Bref, je voulais de l'eau, alors j'y en offre, comme ça, il m'en donne, tout le monde est heureux. Alors que c'est plus simple de d'en prendre moi-même quand j'ai soif, puis quand il y aura soif, qu'ils se prennent donc en main. Mais la conscience humaine a été orchestrée de façon à ce que, regardez ce qui se passe. C'est exactement, on prend juste la salle ici, c'est l'humanité au complet, c'est exactement comme si vous aviez une corde qui part d'un individu et qui s'en va rattacher une autre personne là-bas. De là, elle s'en va chercher une autre personne, elle revient dans le pied de cette dame-là ici, elle remonte dans les yeux du monsieur là-bas, elle passe comme ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le plan de vie d'un être humain est finalement mélangé à travers un paquet de plans de vie. Moi, je suis un être bleu, tu es un être rouge. Mais tu as du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du rouge. Alors, quand la partie chez lui souffre, mais je ne peux pas rien changer à mon monde. À un moment donné, l'être humain qui a la capacité de se centrer sur lui, donc de ramener vers lui ce qui lui est propre, il va finir par aller chercher les parties qu'il a lui-même placées ou qui, dans sa structure réincarnationnelle, a été placée chez autrui, et il va se décollectiviser. Il va devenir un individu à part entière. Ce que je dis là peut être abstrait, c'est extrêmement utile d'en comprendre la mécanique, pour les égos en tout cas. Puis le mental, après, pourra légiférer puis régir la chose. Mais l'être humain a... Il ne peut pas être heureux de par lui-même. Il attend toujours que l'humanité soit heureuse. C'est exactement comme si je dirais, ma main, c'est une personne là-bas qui l'a. Mais étant donné qu'elle est colérique, qu'elle donne toujours des coups de poing dans les murs, elle fait mal à ma main. Donc, lorsqu'elle sera évoluée, je pourrai probablement être heureux. C'est-à-dire, lorsqu'elle cessera de frapper ma main dans le mur, je n'aurai plus mal à la main. Mais si, par certaines formes de mécanique, je récupère ma main, alors elle pourra continuer à frapper dans les murs, je ne sais pas avec quelle main elle frappera, c'est celle d'un autre ou la sienne, mais je n'aurai plus mal. Exactement comme par exemple, et ce que je dis là, c'est matériel, dans la matière, souvent c'est relié. Vous voyez quelqu'un saigner, certaines personnes perdent connaissance, mais celui qui vit le choc hypovolémique, c'est celui qui perd le sang. Mais celui qui vit le choc psychogénique, c'est lui qui perd connaissance. Il y en a qui vont voir quelqu'un souffrir et là, ils sont totalement perdus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des résonances. Premièrement, il y a une question de génétique. À un moment donné, mon père et ma mère engendrent des enfants et après plusieurs générations, une partie de ma génétique est dans ton corps, une partie dans le mien. Quand ma partie souffre chez lui, je me sens mal. Je ne peux pas être heureux. Mais quand je dis « je me sens mal », ce n'est pas toujours que je souffre. Ouch! Non, non. Mais je ne suis pas bien. Alors, mes enfants sont malheureux, mes enfants ont mal, ton fils a un accident, votre fille a un accident, vous allez souffrir. Question de génétique. Vous êtes dedans. Mais on est capable, on peut recentrer ce que nous sommes vers nous-mêmes. Je ne sais pas si... Je suis bien habillé. Je ne sais pas ce que, moi, je vais penser de moi. Je vais interpréter un langage humain. Je ne sais pas ce que les autres vont penser de moi. Je rentre à mon emploi. Une personne me dit, « Crème, t'as l'air bizarre qu'une boucle. » Pouf, tu veux que je me fasse? Je ne suis pas chez elle. Donc, pouf. Un autre me dit, « Ta boucle, là? Ah oui, tu penses? » La partie qui vient maintenant de parler, c'est une partie qui est reliée à moi. Donc, je ne m'aime pas. Alors, je veux bouger, je veux réagir. La problématique, c'est que quand je me suis habillé, je me suis peut-être habillé pour plaire à toutes les parties qui me constituent. Donc, je peux me déplaire en tabarouette quand je vais aller à l'extérieur. Et les personnes qui vont me toucher sont les personnes qui ont des vecteurs qui m'appartiennent. Reliés au même faisceau, même phénomène réincarnationnel, même phénomène génétique. Mais l'être humain qui est... seulement spirituel, ne peut pas atteindre le bonheur. Il va atteindre le bonheur lorsqu'il va se réunir avec d'autres, donc une forme de spiritualité collective, dans une religion organisée, dans une secte organisée, où on sera un petit troupeau, on appelle ça un troupeau, on parle de brebis, bon, et on s'arrangera pour être suffisamment ensemble pour que le bonheur qui est réparti chez autrui, mes cordes de vie, mon plan de vie réparti chez autrui, ce n'est toute la même secte. Bien, nécessairement, à chaque fois qu'il y en a un qui va lâcher un rot, tout le monde va considérer que c'est naturel. Alors, il va pouvoir roter, ça le dérange. Mais quand je vais à l'extérieur dans un restaurant, puis je rote encore, tout le monde me regarde bizarrement. Si je ne suis pas relié à ces individus, ça ne me dérangera pas. Si je suis relié à ces individus, je vais me sentir automatiquement croche. C'est pourquoi l'être humain porte tant d'importance à ce que les autres pensent de lui, ce que les autres disent de lui. On travaille contre moi, oui, mais ce sont des parties de soi-même placées ailleurs. Comment on fait pour les récupérer, ces parties-là? Bon, voilà, ce n'est pas important de savoir immédiatement, dans le séminaire, à un moment donné, j'en parle un peu, comment ça se place chez l'humain. Ce qui est plutôt important, c'est de savoir comment on peut faire pour récupérer. La façon la plus adéquate de récupérer, on pourrait prendre comme loi mathématique une formule intéressante, c'est que ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, il t'appartient. S'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. C'est-à-dire que, étant donné que la majorité de tout ce qui a été implanté chez autrui est rattaché à ce que nous sommes par énergie, par voie énergétique, par voie sentimentique, c'est-à-dire ou sympathique, l'être humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de commencer à se structurer lui en fonction de lui, c'est-à-dire qu'il doit partir comme s'il devenait un entrepreneur en construction et il commençait à bâtir une nouvelle personne. Et la nouvelle personne sera bloc après bloc, exactement ce que vous êtes, mais dans la réalité des choses. Et non pas ce que vous pensez être, ce que vous aimeriez être, ce que les autres aimeraient que vous soyez, etc. Alors si on y va bloc par bloc, cela veut dire que l'être humain doit commencer par comprendre premièrement qu'il est manipulé. Manipulé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre, ça veut dire que ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Mais c'est vrai. On va se chercher une paire de verres chez un opticien, et finalement, quand on ressort de là, c'est sous ses conseils qu'on a acheté telle ou telle ou telle paire, ou les conseils de la personne avec qui on était, ou les conseils de notre cerveau qui nous regarde à l'envers dans un miroir. Mais ce que l'on a acheté, c'est pas nous qui avons décidé au départ. Toute la vie de l'humain est reliée à ce facteur de manipulation. Pourquoi sommes-nous tant manipulables et manipulés par les autres? Si quelqu'un vous trouve laid, ça vous frappe. Si quelqu'un vous trouve beau, ça vous arrange aussi. Si quelqu'un vous dit des bêtises, si quelqu'un vous fait des menaces, si quelqu'un se casse la gueule, si quelqu'un, etc., ça nous touche. Pourquoi? Ben justement, parce que nous sommes reliés à autrui. C'est pourquoi nous sommes tant manipulables par autrui. Le voisin et la voisine, la personne de la famille qui continuellement vient nous têter, ben c'est ça. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est que c'est une personne, c'est nous. Et c'est nous qui allons, à un moment donné, inventer le phénomène de l'égoïsterie, c'est-à-dire que je vais me dire chez toi que tu devrais penser à moi. Alors, si tu ne fais que penser à toi, je trouverais que tu es égoïste. Mais en réalité, égoïste veut dire penser aux autres. En allant récupérer des parties qui nous appartiennent, qui sont placées ailleurs, il faut aussi s'attendre, ben c'est mécanique qu'on va en perdre, des parties qui ne nous appartiennent pas, qu'on a. Et ça crée nécessairement une forme de déstabilité. La personne qui était heureuse à un moment donné et qui se retrouve pas dans son bonheur, c'est ça, c'est qu'il lui manque des choses. Je parle souvent d'arracher une peau. Si on veut finir par être ce que nous sommes, on doit arracher une peau, celle qu'on n'est pas. Mais cette peau-là qu'on n'est pas, eh bien, on est habitué à elle. Les gens sont habitués à leur maladie, sont habitués à leur obésité, sont habitués à leur manque de santé, sont habitués à ne plus être capables de traverser la rue en courant, ils sont habitués à ne plus être capables de sauter. Ils sont habitués de ne plus être capables de dormir. Les gens s'habituent. On s'habitue aux autres. Et on ne devrait pas. Je ne parle pas de l'humain dans son corps. Je parle de ce que je ne suis pas. Êtes-vous heureux, heureuse de ne pas être capable de dormir dans les 5 minutes qui suivent votre coucher? Non? Voilà. Il y a des gens qui veulent veiller. Mais ces gens-là, ils sont quelque part ailleurs, mais ils vous habitent aussi. Alors vous veillez. Ça pense dans votre tête. J'aimerais arrêter de penser. C'est pas vous qui pensez, ça pense dans votre tête. Êtes-vous heureux de ne pas être capable de maintenir un régime de santé? Ça peut être de faire de l'exercice, ça peut être de prendre du sommeil, ça peut être de prendre des vacances, c'est de travailler. Vous aimeriez pouvoir le faire, vous ne pouvez pas le faire, c'est que vous êtes déphasé, il y a d'autres individus qui vivent chez vous. Quand je parle de d'autres individus, on peut simplifier. L'être humain contient aujourd'hui approximativement 30 millions de personnalités réincarnatives. Donc, nous sommes pluriconstitués. Mais il y a énormément de parties qui viennent chez nous qui ne devraient pas, qui ne peuvent pas faire partie du casse-tête global, ce que nous sommes, mais qui font partie de ce que nous exprimons, de ce que nous semblons être. Et l'être humain doit justement parvenir à une forme de purge, additionner les parties du casse-tête qui vont ensemble et rejeter toutes les morceaux qui ne vont pas. L'individu qui trouve stupide d'être en colère, la colère, ce n'est pas lui. L'individu qui trouve génial d'être en colère, la colère, c'est lui. Alors, continuellement, la personne veut être en paix, puis à un moment donné, elle est irritée, puis elle se met à crier. Ce n'est pas elle, la preuve. Quand vous vous mettez en grosse colère, puis que vous trouvez que vos paroles ont dépassé votre pensée, ou que ce que vous avez fait, ce n'est pas ce que vous auriez voulu faire, où étiez-vous pendant que vous étiez en colère? Mais vous n'étiez pas là. À un moment donné, il y a tout ce qu'il faut de la colère, elle est à l'extérieur, qui vient prendre notre place. Nous, on est rejetés à l'arrière, donc on n'a plus, on n'a pas le contrôle ni la conscience du corps. Et puis pendant ce temps-là, ça s'exprime. Et après, ben, on découvre les résultats. Puis là, on se culpabilise, alors qu'on n'a rien fait. C'est important, donc, comprendre qu'on est manipulé. Comprendre qu'on est manipulé veut dire comprendre que d'autres individus vivent chez nous et que nous devons partager le corps. Nous devons aussi partager l'évolution. Et ça crée un crime de problème, parce qu'à un moment donné, vous voulez abandonner l'Église. Mais deux mois après, vous demandez si vous avez bien fait. Mais c'est pas vous, cela, c'est celui qui n'a pas lâché l'Église. Mais lui, il ne vous appartient pas. Vous, c'est vous, vous avez lâché l'Église. Et vice-versa. Ou c'est pas toi qui l'as lâché. Et vice-versa. Mais une chose certaine, c'est que l'être humain qui est continuellement tiraillé d'un bord puis de l'autre, il doit à un moment donné se centrer sur lui-même, c'est-à-dire qu'il doit se demander ce qu'un être humain intelligent ferait. Qu'est-ce que ça doit être un être humain intelligent? Il ne doit pas le demander à autrui, donc je ne dirai pas ce soir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que l'autre pense que ce que c'est qu'un être humain intelligent. On regarde des personnes ici. La personne va dire, un être humain intelligent, c'est quelqu'un qui fume pas trop. Ça veut dire qu'elle, elle fume. C'est évident. Mais peut-être que justement, elle est constituée de la personne qui fume. Si elle demande à quelqu'un d'autre, l'autre va dire, c'est une personne qui fume pas. Alors la personne qui fume, elle va dire, ouais, mais là, moi, il faut que j'arrête de fumer. Mais là, c'est compliqué. Puis là, on commence encore à évoluer dans la souffrance, dans les conflits, dans les combats. Puis le bonheur, bien, pour quelques milliers d'années en avant, mais pas pour tout de suite. On n'a rien à faire, qu'on fume ou qu'on fume pas. L'important, c'est qu'on se reconnaisse puis qu'on se centre chez soi. Si un jour on a arrêté, on va arrêter. Mais en attendant, on est toujours pris. Un être intelligent, est-ce que ça mange la viande ou non? Mais on ne pose pas la question à autrui. On se pose la question. Mais là, on va dire, avec tout ce que j'ai lu, non, on est encore centré dans le monde des autres. Donc, ça n'a rien à voir. Toi, quand tu en manges, tu sais comment? Bien, quand je mange du porc, je digère mal, puis quand je mange d'autres choses, je digère bien. Voilà. C'est ce qu'on va faire maintenant, mange plus de porc. L'être humain doit, de par lui-même, simplement, de temps en temps, observer ce qui lui élimine le bonheur, donc ce qui l'empêche d'être centré sur elle ou sur lui. Et lorsqu'il a déterminé cela, bien, il s'arrange pour ne plus le laisser s'exprimer. Ça demande nécessairement une forme de contrôle. L'être humain n'a pas de libre arbitre, mais le mental ainsi que l'intelligence a une liberté. La liberté veut dire que ça ne peut pas déterminer la couleur des yeux du corps physique, et ça ne déterminera pas non plus s'il va neiger ou pleuvoir. Mais ça peut déterminer ce qui dans la conscience de chaque individu va se passer, et ce qui se passe dans la conscience, c'est ce qui progressivement va reprogrammer le manipulateur, l'ego. Donc, progressivement, on est capable d'arriver à se centrer sur soi-même. Mais si on fait le bilan, comme tu le suggères, c'est-à-dire de déterminer nous autres-mêmes qu'est-ce qu'on considère comme étant intelligent, puis à ce moment-là, de s'auto-déterminer comme personne, puis qu'on prend une feuille de papier, puis qu'on écrit dessus ce que j'aime de ma vie, puis ce que j'aime pas de ma vie. Est-ce que la partie, parce que si c'est l'intelligence qui l'écrit, la feuille, ou si on est teinté de plus de mental au moment où on le fait, est-ce que la partie de ce que je n'aime pas de ma vie devrait s'éliminer graduellement, mais aller combler une personne qui, par exemple, si j'aime pas la colère, va aller remplir une personne colérique, remplir dans le sens qu'elle va devenir de plus en plus colérique? C'est probablement ce qui va arriver, oui. Et à ce moment-là, on dissocie le bien du mal, si on veut, c'est spirituel, mais c'est ça. Autrement dit, la femme, elle évolue, le bonhomme, il évolue, ou le bonhomme, il évolue, la bonne femme, elle évolue, mais ceci est fréquent. Mais ceux qui sont bien vont de mieux en mieux, puis ceux qui sont pires, entre guillemets, non, vont de pire en pire. Tout le monde va de mieux en mieux. Celui dans qui fait tête. La guerre fait de plus en plus la guerre. Non, c'est ça. Pas dans sa tête. Là, tu te mets encore dans sa place. Non, il va de mieux en mieux. Lui. Oui. Oui. Parce que dans sa tête, dans le genre, bon, dans sa tête, vu qu'il n'a rien compris, Non, non, je dis pas ça. Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ça sépare encore plus. Tu sais, on a de plus en plus, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Mais si on y va à l'extrême dans ce que tu dis, ben, les riches sont encore plus riches, et les égoïstes encore plus égoïstes, les malheureux encore plus malheureux dans leur malheur, puis les colériques encore plus colériques, les obèses encore plus obèses. Fait qu'on, il n'y a plus de milieu, on pousse les deux extrêmes. Oui. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que on pousse les deux extrêmes, mais il n'y aura probablement plus d'obèses. Il n'y aura probablement plus de guerre. Pour la simple raison que la guerre ou tous les problèmes des maladies, ce sont des inharmonies entre deux mondes. En réalité, entre plusieurs mondes. Si on simplifie comme Lao Tzu le fait, on va dire il y a le yang, il y a le yin. Dans le yang, tout ce qui est yang est parfait. Dans le yin, tout ce qui est yin est parfait. C'est le mélange. Mais lorsque le yin touche le yang, lorsque le yang touche le yin, alors ça ne va plus. Est-ce qu'on peut penser que ceux qui sont colériques actuellement, ceux qui expriment la colère, sont des gens, c'est une partie d'eux qui fait générer de la colère envers autrui, mais parce qu'elle ne l'a pas totalement, elle va le chercher finalement. C'est qu'il faut faire attention, parce que comme la colère, comme plusieurs autres phénomènes, en réalité, c'est que la personne qui exprime la colère, c'est qu'il y a des parties chez elle qui ne sont pas elle. Autrement dit, c'est que la friction entre ce qu'elle est et tout ce qui n'est pas elle qui est chez elle, engendre des expressions pathologiques évolutives, la colère, l'obésité, la maladie, le vieillissement, la mort, la jalousie, etc. Si l'individu est totalement centré chez lui, par exemple, moi je suis colérique, je peux par exemple finir par rejeter ce qui chez moi me rend colérique. Ça ne veut pas dire que c'est de la colère qui s'en va chez toi. Ça veut dire que les parties qui étaient chez toi, en friction avec les miennes, donnaient que j'étais en colère. C'était le lorsque résultat. Je rejette cela, toi je reprends ma partie de chez toi, je la mets chez moi, je ne suis plus en colère. Rejetant ma partie, reprenant la tienne, tu n'es plus en colère. Éliminer. C'est une résultante de la colère, finalement. C'est pas un degré énergétique. L'involution, la souffrance, n'est pas quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'homme. C'est quelque chose qui fait partie de la friction entre les différentes formes d'évolution. L'être humain qui souffre, la souffrance, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est relié à la mémoire. Si on ne se rappelle jamais que l'on souffre, on ne souffre pas. Si on vous pince, puis vous l'oubliez au fur et à mesure que la douleur arrive à votre cerveau, vous n'avez pas mal. Bon. Si on vous ôte quelque chose, vous ne savez même pas que vous l'avez eu. Vous ne souffrez pas. La souffrance, ce n'est pas une question d'énergie. Le malheur, ce n'est pas une question d'énergie. C'est une question de relation d'énergie, c'est-à-dire que le malheur va apparaître lorsqu'effectivement, il y a plusieurs phénomènes chez l'individu qui sont en conflit, en guerre, ou qui n'arrivent pas à faire de compromis, qui n'arrivent pas à s'associer, qui n'arrivent pas à fusionner. Prenez l'exemple. Combien de personnes vont s'habiller pour plaire à autrui? Ben justement, s'ils iraient récupérer le autrui pour l'amener chez eux, comment on fait ça? Ben comment on fait ça? Il suffit simplement de s'habiller en fonction de ce que nous voyons. Les autres ne nous trouvent pas beaux, on doit ne pas changer. On doit parler comme ça nous tente de parler. Les autres trouvent ça bizarre, ça ne devrait pas nous porter à changer. On devrait changer notre vestimentation, notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon de dormir, nos heures, notre façon de manger, lorsque nous considérons qu'il y a logique, intelligence, à le changer. Si, par exemple, vous allez vous trouver un emploi, vous allez vous ajuster à l'autre. Parce que vous voulez le manipuler, c'est lui qui va vous engager. Mais lorsque vous revenez chez vous, vous devez vous ajuster à vous. Mais quand tu dis « à vous », il y a une différence entre « à vous » si c'est le mental ou si c'est l'ego. L'ego peut s'habituer de porter un gilet bleu pâle, puis finir par aimer par mémoire le gilet bleu pâle, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui lui Oui, va. Ça ne dérange pas ça. L'important, c'est quand le gilet bleu pâle n'est plus à la mode, il va changer, là, il vient de se faire avoir totalement. Il ne pourra jamais être heureux. Son bonheur est un bonheur collectif. Alors, tant que c'est à mode, il est content. Après ça, comment c'est plus à mode depuis 2 semaines? Ah ben, moi, je l'ai porté pendant 2 semaines, ben, je suis niaiseux. Ben, c'est ça. J'étais pas au courant. On n'en a rien à foutre. Les... La mode de croire à l'extraterrestre, la mode de ne pas y croire, la mode de croire en Dieu, la mode de ne pas y croire, la mode de faire ceci, la mode de faire cela, c'est juste des modes. La mode, c'est le vecteur collectif. Est-ce que le Québec se sépare ou non? Ben là, je sais pas, il faudrait que je me renseigne, faudrait que... On se renseigne pas! Qu'est-ce qu'on vibre chez soi? On se renseigne pas. C'est-à-dire dire, oui, mais là, on ne peut pas prendre une décision comme ça, vous change de rien. On doit le faire. Après ça, tu votes oui, tu votes non, ça n'a rien à foutre. Que karmiquement, il va se passer ce qui va se passer. Mais l'être humain va parvenir à être heureux. L'être humain ne peut pas connaître le bonheur simplement parce qu'il dépend totalement d'autrui. Il dépend de ce que les livres sacrés vont lui dire, il dépend de ce que les livres de diététique vont lui dire, il dépend de ce que la télévision va lui dire, il dépend de ceci, il dépend de cela. Imaginez, ça brûle à Saint-Amable et on dit, ça peut irriter la gorge, le nez, les poumons, ça peut donner des nausées, des maux de cœur, mais c'est pas toxique, faites-vous-en pas. Bon, c'est ce qu'on dit. Alors la personne, elle se dit, oui, mais là, ça n'a pas d'allure, ça, c'est... Et voyons donc, branche-toi sur toi, puis Christy, regarde dehors, puis ça. Bon, t'aimes pas ça, va-t'en. Oui, mais ils ont dit, si la personne qui va là, elle sent rien, bon, elle va dire qu'il n'y a pas de problème là. Elle a raison. Mais ça ne nous regarde pas, nous, qui allons éternuer. Alors, on se dit tout le temps, oui, mais regarde, tu vois, le monde, ils nous disent des affaires. Non, non. Le monde, il se parle à eux. On n'est pas habitué de se faire confiance en tant que personne. On a un problème, on va aller voir quelqu'un d'autre pour lui poser la question, pour régler notre problème. Même le bonheur, c'est la même chose. Il y a des gens de temps en temps qui me posent juste des questions. Est-ce que c'est normal que je m'endorme tout de suite de même la nuit, tu sais? C'est-tu normal? Parce que moi, c'est autour de moi, ma famille, ça le prend un petit bout de temps, puis moi, j'ai l'impression, je fais peut-être charrier par l'astral que je dors tout de suite. Fait que là, je leur dis... T'es-tu bien quand tu dors comme ça? Ah ben oui, c'est sûr, mais je me demande si... Prends des speed. L'humain ne peut pas supporter sa qualité. Et ça fait que vous êtes bien habillé comme vous êtes là? Mais non, je suis pas bien. Pourquoi? Ben parce que j'ai l'air folle, j'ai l'air fou. Est-ce que alors, vous êtes totalement... assujetti au bonheur des autres. On ne peut pas être heureux comme ça. Est-ce que c'est pas justement l'ego et l'astral qui nous manipule à repousser le bonheur? Parce qu'en réalité, ce ne serait pas là, mais qu'on le rejette simplement. On n'aurait pas besoin d'aller chercher. C'est-à-dire qu'à l'instant où l'être humain décide de s'asseoir un peu, puis de commencer à être ce qu'il est, pas d'apprendre à se connaître et se connaître jamais. L'être humain, c'est vivant. C'est en perpétuel changement. C'est en évolution. Donc, il ne se connaîtra jamais. À être ce qu'il est. Bon, alors pendant 2 semaines, vous portez du rouge, vous aimez ça. 2 jours après, vous parlez contre le rouge, j'avais changé. Eh oui, vous ne vous contredisez pas. La personne qui mettait le rouge, elle a muté, elle n'est plus là. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. 2 ans après, elle revient au rouge. Ben oui, elle est rendue à une autre octave, puis elle reprend encore du rouge, c'est tout. Mais l'humain va se dire, ben oui, mais là, je ne suis pas pour me contredire. Pourquoi? Ben le monde, ils vont dire. Le monde, ils vont, c'est ça. Moi, je suis une personne qui est très, très, très comblée parce que je suis une des rares personnes capables de dire n'importe quoi en conférence puis de me dédire 30 secondes après ou demain matin ou dans 2 ans. Et ça ne me dérange pas. On apprend par la parole, donc il faut qu'on le dise. Salut! On apprend par la parole, il faut le dire. Donc, si on ne le dit pas, on n'apprend pas par la parole. Et si, à un moment donné, on le dit, on apprend certaines choses, on montre, puis là, ça fait 20 ans que je parle. Je ne peux pas tout défaire ce que j'ai dit. Voilà, autant me suicider. Maintenant, j'avance plus. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, tu sais ce que tu disais là, ça voulait dire ça, mais peut-être en même temps que, là, je vais dire, tu as raison. Tu sais, je profite de l'autre montée pour changer un peu ce que j'ai à dire. Personne n'a l'impression. J'ai l'impression que personne ne se rend compte que je change un peu mes affaires. Mais là, on souffre. Tabarouette, ça n'a aucun sens. C'est trop. Faut pas exagérer. L'être humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de se centrer sur lui. Il y a des expériences faciles à faire pour vérifier, mais la problématique, c'est que l'humain ne veut pas appliquer les conférences que je donne, l'humain ne veut pas appliquer les conférences qu'il se donne, l'humain ne veut pas appliquer les conscientisations qu'il vit. Et l'ego nous empêche de le faire. L'ego nous empêche de le faire, sauf que le mental est capable, à un moment donné, de faire un miracle. Prenez votre corps et partez avec lui. Hein? Nazaréen disait « Lève-toi et marche », c'est la même chose. Prenez votre corps et allez-y. Autrement dit. Attendez que la conférence soit finie. D'aller frustrer mon ego, c'est pas peut-être. Il n'y a pas de danger, il ne pourra pas. Mais on devrait pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne peut dire, moi, je devrais être capable de me lever debout sur ma chaise en pleine conférence. Bon. Mais immédiatement, la personne va se dire, ben oui, je vais me déranger les gens en arrière. Mais ça les regarde, les gens en arrière. Si on veut arriver au bonheur, là, on doit être égoïste total. On n'a rien à foutre avec les gens en arrière. Il n'y a rien qu'à se tasser, les gens en arrière. Bon. Ou être pitché en bas de ta chaise. Exact. Bon. Mais oui. Maintenant, la personne, elle peut dire, « Ouais, mais là, j'ai pas besoin de ça, c'est pour... Je comprends ce qu'il veut dire. » Ah ouais. Ben, comprenez-le, puis continuez à être malheureux. Il faut pas le comprendre intellectuellement. Il faut le comprendre énergétiquement, être capable de le bouger, de le faire. Une personne va dire, « Oui, mais alors, c'est plus de mon âge, monter sur une chaise. » Non. C'est peut-être de votre âge d'être malade. Ben, vous avez de la difficulté à marcher. Hey, on prend ce qu'on prend, ce qu'on veut prendre. C'est facile de dire des choses comme ça. Mais ça va te donner quoi, là, dans l'évolution de monter sur une chaise? Ah, mais ça va tout changer. De A à Z, je parlais du grand chien que t'as pas voulu acheter. Oui. Bon. C'est parce qu'il n'y avait pas qu'il me morde. Parce que c'est ça qui est le phénomène à un moment donné, c'est que ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Mais ça va servir à une chose. C'est que progressivement, vous allez vous diriger vers un nouveau chemin où votre mental, vous, allez être capable de bouger le corps. Exemple, êtes-vous capable de placer votre doigt, votre index sur votre oreille droite? C'est comme ça. Tu es capable de faire ça? Oui. Bon. Fais-le. Mais il faut que je lui dise de le faire. Mm. Autrement dit, il faut que ma partie puisse prendre la main et aller le faire. Aider de ce qui est chez lui. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Une personne peut dire, oh, là, il n'y a plus rien là, regarde. Là. Celle-là, elle s'égoïse, elle n'a rien compris. Mais comment tu fais pour différencier si je reviens à ton exemple de se lever debout sur une chaise, si tu me dis lève-toi debout sur une chaise, tu vas comprendre des choses, puis que là, je me dis non, je ne me lèverai pas debout, je ne vais rien comprendre de plus. Puis après ça, l'ego dit ouais, t'es capable. Puis là, l'ego dit c'est l'ego qui te lève. Ça fait que t'as rien gagné non plus. T'as rien non plus, absolument rien. La nuance entre les deux, c'est subtil? Non. Non? Elle est immense, elle est immense. Elle est immense. Dans les deux cas, tu perdais. La nuance, qui est immense, c'est que vous levez sur une chaise uniquement pour voir si vous êtes capable de subjuguer votre ego pour monter sur une chaise. Donc, c'est pénible, il y a une inhibition, vous travaillez mentalement pour passer par-dessus l'inhibition, vous intelligencez la chose, vous devenez transparent en face de vous-même, vous rapprochez du bonheur, vous en égoïsez, donc vous engendrez un peu plus de deutérix qui va vous rendre immortel dans votre conscience à un moment donné. Tout ça parce qu'on est monté sur une chaise. Tu vas dire, Chris, c'est une maudite bonne technique, tous les matins, il va monter sur ma chaise. Mais non! C'est facile, il n'y a rien là. Puis c'est pas une question de dire, je dois me faire des épreuves pour souffrir. Non, c'est pas une question de souffrance. Parce que vous allez voir que si je vous demande de monter sur votre chaise, il y en a qui ont déjà peur, si je vous demande de monter sur votre chaise, vous allez voir que c'est souffrant, mais c'est une souffrance qui ne fait pas mal. Puis le moment donné que l'individu est capable de monter dessus, se rend compte que la souffrance n'est plus là. Donc, il n'y avait pas de souffrance. C'était une illusion. On vous fait croire que vous ne pouvez pas. On vous fait croire que ça fait mal. Et ça fait mal tant qu'on ne le fait pas et qu'on veut le faire. Mais ça ne fait pas mal si on le fait, et ça ne fait pas mal si on ne veut plus le faire. Mais là, il y a un travail évolutif ascensionnel. Bon, une personne peut dire, « Ouais, mais j'ai qu'à me promener à poil dans le métro. » Ça est évolutif pour les autres. Bon. L'humain doit conserver l'idée qu'on reste écologique dans ce que l'on veut faire. Mais l'idée... vous allez... C'est qu'il y a une friction entre la volonté puis le... Entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. On va au cinéma. Bon, alors je dis à une personne, est-ce que tu viens au cinéma avec moi? Ben oui, j'aimerais ça. Parfait, on part dans 5 minutes. Il faut que je me change. Je veux quand même pas y aller de même. Est-ce qu'il fait trop froid dehors? Mais non, ça n'a rien à voir. Il crie de tout que moi, je suis enculotté. C'est quoi le problème? Là, on part de la maison où on est dans un petit monde collectif, on se met dans un grand monde collectif, alors on s'assujettit automatiquement au grand monde collectif. On n'est jamais nous-mêmes. Mais viens avec tes rilinchos troués, puis viens avec tes pantalons sexy, puis viens avec ton chandail tout plein de peinture, on s'en va au cinéma. Bon, on peut, sinon, c'est le prochain film dans 2h30. On part tout de suite. Ben oui, mais on part tout de suite. Il y a des gens qui vont vous regarder, c'est évident. La moitié vous trouve dégueulasse, l'autre moitié vous envie. Dans les mêmes personnes. Bon. Mais on ne doit pas faire ça pour se dire, ah ben, crime, gars, il m'envie tout. Donc on fait. On n'a rien compris. On est encore assujetti à l'évolution des autres. On n'est pas heureux. Parce que la journée qui ne te regarde plus, t'es en compagnie. Bon. L'humain doit simplement s'arranger pour être ce qu'il est, lui. Tu vas dans une soirée, tout le monde prend de l'alcool, toi tu bois du lait et que tu as l'air fou. C'est les autres qui ont l'air fou, mais ils le projettent chez toi. Ils vont donc dire, tu as l'air fou. Quelqu'un qui a peur, à un moment donné, que vous voliez, surveillez-le. Il va peut-être voler. On projette régulièrement, c'est-à-dire qu'on reconnaît chez autrui des choses qui sont chez soi. C'est un niveau d'énergie, les différents éléments, ou si c'est des morceaux physiques? Tantôt, tu parlais de l'œil puis du pied, je ne me vois pas... On a des parties qui sont dans d'autres. C'est comment on les récupère, ces parties-là? C'est en énergie? Oui, énergétiquement, c'est-à-dire que, par exemple, si je suis relié à ton pied, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de me désassujettir de ton pied et de me relier à mon pied. Pour me relier à mon pied, il faudra que j'expulse quelqu'un qui est relié à mon pied. Pas un exemple de pied, mais c'est la même chose au niveau du sang, surtout, qui est le vecteur qui transporte l'hormone, qui est le médiateur qui fait que l'âme s'exprime dans le corps physique. Pas tout se faire des transfusions sanguines. Mais non, on le crée notre sang, mais on le colore par tous les assujettissements psychologiques, donc énergétiques, astrales que l'on a. Comment être heureux? Le bonheur, ce n'est pas les malheurs que l'on n'a pas. Le bonheur, c'est simplement d'être centré sur soi-même. La personne, elle se regarde le visage et subitement, elle voit un bouton. Pourquoi le bouton la dérange? Elle ne voit le bouton que lorsqu'elle se regarde dans un miroir. Pourquoi le bouton la dérange? Parce que c'est peut-être un cancer, c'est intelligent. Parce que de temps en temps, elle s'accroche, c'est intelligent. Parce qu'il y a des raisons intelligentes, alors on pourrait ôter le bouton. Parce que, parce que les autres vont le voir, comment voulez-vous être heureux? Imaginez que pour être heureux, vous devez me plaire. Hein? Je suis la collectivité planétaire. Mais étant donné que je change psychologiquement à tous les heures, avant que vous soyez heureux, il faudra que vous me stabilisiez. Hein? Je vais prendre une grosse garde-robe. Oui, il faut être tout sur toi. Alors, on ne peut pas. On va à Noël chez ses parents, dans sa famille, puis on est assujetti au collectivisme. On donne un cadeau, pourquoi? Eh bien, j'ai plus de mignon, tu sais. Ah, moi, j'haïs assez ça, moi, quand les maudits cadeaux, tu sais. Pourquoi t'haïs ça? Mais, finalement, c'est parce qu'on t'en donne que t'haïs ça. Ah oui? Tu veux qu'on leur en donne? Mais là, ils t'en donnent. T'es bien obligé de leur en faire. Mais comme on change toujours nous autres mêmes aussi, comme tu disais tantôt. Reste que t'es. On peut jamais être content ou heureux de la façon dont on s'habille. On peut être heureux 2 heures, puis après ça, 2 heures après, tu as le goût de t'habiller autrement ou de vivre autrement. Puis qu'on change, on est toujours en évolution. Ouais, mais tu vas voir que quand l'être humain se centre sur lui-même, là, il commence pas à fluctuer aux 2 heures. Pourquoi? Parce que moi, je m'habille comme j'aime, puis 30 secondes après, c'est l'autre qui commence à prendre le dessus. Puis là, subitement, là, tu sais, ma chemise n'était pas serrée, mais là, elle commence à être serrée. Fait que là, ma fille, entre autres, adolescente, c'est une vraie farce. Elle est toute prête, 30 secondes après, elle vient nous revoir, elle est changée. Bon. Après ça, on descend dans l'auto, puis là, elle redescend, puis encore changée. Mais c'est ça. C'est que là, elle se dit, je m'en vais au cinéma. Fait que là, elle s'habille pour le look des filles qui vont au cinéma. Mais là, subitement, en descendant, elle dit, crime, ouais, mais là, elle rencontre, là, elle pense à quelques-uns de ses autres amis. Puis là, immédiatement, elle remonte en haut, puis elle s'habille comme si c'est eux autres maintenant qu'elle est au cinéma. Fait que là, elle sort correct. Puis là, bien. Puis à un moment donné, c'était trop serré, là, c'est large, c'est correct. Rendu dans l'auto, là, ouais, mais, tu sais, j'ai l'air d'une guidule, mais c'est bien trop large. Elle remonte en haut, ça change encore. Mais le bonheur, là-dedans, va le courir toute sa vie, parce qu'elle ne trouvera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle s'habille pour les autres. On fait toujours tout pour les autres. On est poli pour les autres. Tout. Alors, on doit travailler uniquement pour soi. Puis les autres, là-dedans, ils sont bâtis pour chialer. Tu les laisses aller. Puis à un moment donné, ils vont finir par se prendre en main. Moi, quand je suis à la maison, est-ce que j'offre de quoi aux invités? Jamais. Ils n'ont rien qu'à le demander. Penses-tu que je m'arrête à toutes les 30 secondes ou toutes les demi-heures à me demander, bon, peut-être qu'ils veulent quelque chose? Voyons donc. Puis là, la personne s'en va. Ouais, tu sais, il aurait pu nous offrir de l'eau, il aurait pu au moins, tu sais, ou nous offrir du café ou du jus ou, tu sais, quelque chose. Il est arrivé avec sa bouteille de Rangina, puis le goût complet devant nous autres. Mais j'avais soif. Mais nous autres aussi. Ça n'a rien qu'à dire. Ah oui, mais si leur offert, j'aurais dit j'en voulais. Et c'est ça, être malheureux. C'est ça qu'on peut dire, ben, soyons polis. Alors, je dois m'arranger pour que si vous êtes invité, vous ne soyez pas malheureux. Je devais donc vous offrir un fauteuil, parce que sinon, on allait passer à la soirée debout, vous êtes trop niaiseux de vous asseoir. Je vais vous offrir de quoi manger, sinon, vous allez crever de faim, trop niaiseux de vous demander. Je vais vous offrir de prendre votre manteau, de mettre un support, sinon, on allait passer à soirée habillée. Ben oui, mais ça devient compliqué, parce qu'à un moment donné, je vais vous offrir ce que moi, je veux. Puis là, ben, vous allez devoir vous ajuster à ce que je veux. Alors que j'ai été invité à souper chez un ami à un moment donné, sa femme, elle fait la cuisine, c'est dégueulasse, l'eau, elle arrive même à la faire coller au fond des chaudrons, alors c'est vraiment pas fort. On arrive là, et puis elle fait son, c'est vraiment, c'est fou, fait que là, moi je dis à l'autre, écoute bien, je vais aller me chercher de quoi au restaurant, il dit quelqu'un y en veut. Ben, tout le monde rit, puis on a fait une commande au restaurant, on est revenu pour aller manger ça. C'est elle qui fait de la bouillabaisse. Ah oui, c'est oui. Et ça bouille, ça elle met de l'eau dans le chaudron, puis quand elle bouillabaisse. C'est ça, ça bouille, ça baisse. Tu sais, mais... Puis là, tout le monde était heureux. Pourquoi? Elle n'est pas insultée, et tout est collé. Bon, on n'est pas pour faire comme si c'était bon. C'est pas bon. Merde. C'est que de le dire. Alors, on est allé au restaurant, puis on leur avait des choses. Puis, de toute façon, je lui dis régulièrement, je mange pas de la viande qui a fait des hamburgers là-dedans, puis tu trouves de tout, des carottes, des patates, des plures, je mets toutes ces poubelles là-dedans, tu sais. Puis j'ai déjà dit, alors je mange pas ça, je mange autre chose. On sait pas ce qu'on peut trouver. Mais, c'est pas grave, c'est juste... Mais ça, c'est la transparence aussi. C'est la transparence qui amène au bonheur. J'ai expliqué, on devenait transparent, on se centrait sur soi. Imaginez comment facile serait votre vie si finalement vous la vivriez comme vous voulez la vivre. Oui, mais il faut s'ajuster aux autres. Non, il faut être écologique. Être écologique, c'est nécessairement être ajusté à soi. Bon, vous allez travailler, vous vous ajustez en fonction de ce qu'il faut faire. C'est correct. Mais quand vous revenez chez vous, la façon dont vous allez vivre intérieurement le temps que vous êtes déguisé, vous savez que vous êtes déguisé. Vous ne chialez pas d'être encore qu'un maudit uniforme. Par exemple, si on doit porter l'uniforme, changer d'emploi, ou c'est juste chialer. Mais parvenir au bonheur, c'est être centré dans son intelligence, c'est parvenir au double éthérique, c'est parvenir à avoir un contact parfait avec son ajusteur de pensée, c'est parvenir à une transcendance du monde de la mort, c'est parvenir à bloquer le processus de vieillissement, c'est parvenir à cellulariser son évolution, donc les techniques, on les abandonne progressivement parce que ça nous appartient, on est correct. C'est parvenir à rayonner, donc on finit même par imprégner autrui, ce qui fait que là, même les autres commencent à changer, ils partent, d'autres viennent, d'autres changent. Tout le cadre s'améliore. C'est parvenir à un moment donné, en tout cas, il y a tellement de choses qui peuvent apparaître, même dans la matière totale, les plantes vont pousser un peu plus. Énergie... En plastique, ils auront des fleurs. Énergétiquement, ce que ça fait, c'est que ça nous monte sur un palier d'énergie supérieure. Si on a réussi à appliquer la transparence puis à atteindre le bonheur. Ça ne nous monte pas sur un palier d'énergie supérieure. Ça équilibre tous les paliers d'énergie que nous avons. Ça les synchronise, comme on disait tantôt. C'est comme si je dis, vous n'avez pas besoin de plus, placez-le en ordre. Peut-être tu fais un casse-tête, là, puis les morceaux sont tout à l'envers. Il manque de morceaux. Il manque pas de morceaux. Place-les dans l'ordre. Puis il y a des paquets de morceaux de trop, ceux-là font que tu n'arrives pas à imbriquer ce que tu es. Tu sais, tu as ta tête dans ton casse-tête, puis tu as un cou, puis tu as les épaules, tu essaies de mettre la tête après les épaules, ça ne va pas, puis là, bon, mais c'est pas le bon coup. Tu sais, puis les pièces que tu avais rejetées, là, ben peut-être que, voilà, ça fonctionne. Se centrer dans son intelligence, c'est ça. Se centrer dans son énergie, c'est ça. Se centrer dans son monde, c'est ça. Pourquoi toujours dépendre d'autrui dans tout ce que nous vivons intérieurement? On ne peut pas être heureux. Pourquoi dépendre de Dieu, par exemple? Oui, mais là, ce que j'ai fait là, là, est-ce que tu as fait là? Voulais-tu le faire? Non, ben c'est ça, tu ne l'as pas fait. Enfin, en appliquant ce que tu dis, ça fait aussi en sorte que les autres finissent par cesser de dépendre de toi. Parce que je prends ton exemple, si tu as de boire beaucoup de visites qui vont chez vous, là. Oui, juste la bonne visite. Ceux qui y vont, à un moment donné, ils finissent par ne plus dépendre de tes goûts, puis dire, ben, donne-moi une liqueur, donne-moi un verre d'eau, j'ai soif. Et souvent, ils arrivent avec la moitié de l'épicerie, moi, ça m'arrange. Ils laissent ça, on ne peut pas. Ben, ils boivent pas tout, puis ils mangent pas tout, puis ils s'en vont, puis je me sens le frigidaire. Fait qu'ils finissent par se désassujettir aussi des autres. Ben, c'est évident. Puis c'est tellement plus simple. Il y a une personne qui arrive avec plein de revues. Elle dit, tiens, si tu veux lire des revues, tu pourras les lire. Puis moi, je regarde ça, puis je dis, ah, ben tiens, il y a celle-là, ça, je lis pas ça, puis ça me plaît. Il dit, ben, c'est pas grave, tiens, je te donnerai un autre, moi, je les ai lus, j'ai plus besoin. Ben, c'est ça, il n'y a pas de... Ton Dieu, tu sais, j'ai même des revues, il pourrait au moins... Pourquoi? Il pourrait au moins le penser, mais pas le dire, puis les jeter quand je suis parti. Être un hypocrite total. Puis elle passait mon temps à remplir mes poubelles avec ces beaux petites revues qui me mènent tout le temps parce que jamais j'ai dit que j'en voulais pas. Voyons donc. Lui, il perd de l'énergie à me rendre service, puis moi, je perds de l'énergie à nous donner chacun un karma. À cacher que ça te dérange. Ben oui. Tu sais, il dit une fois, puis c'est fini. Tu sais, ta cuisine, là, est trop épicée. Bon, elle est trop épicée. C'est simple. Fait que la personne, elle peut dire, bon, ben, prochaine fois, tu te le feras toi-même. Puis c'est pas une question d'insulte, c'est logique. Ou, ben OK, prochaine fois, je ne mettrai pas des épices sur ton poêle, je n'en mettrai rien sur le mien. Tu sais, les enfants, à un moment donné, il y en a un qui mange épicé, ça n'a pas d'allure. Il épice les épices. Puis, à un moment donné, j'ai essayé de lui expliquer, tu sais, quand tu fais une salade, des choses comme ça, épice pas le plat principal. Bon, mets-en dans ton assiette, puis ça, fais-en ce que tu veux. Laisse le reste neutre. Chacun fera ce qu'il voudra. Mais c'est pas une insulte pour le cuisinier. C'est bien plus fun, bien plus plaisant. Tout le monde est centré dans son monde. T'aimes ça comme ça, tu prends ça comme ça. C'est tout. Et ça fait en sorte de nous faire réellement vivre dans chacun un monde parallèle, dans chacun notre... Mais c'est, on est! Pas, ça fait pas en sorte de nous faire vivre dedans. Ça nous ramène, ça nous rapproche de la conscience pour découvrir qu'on n'est pas dans le même monde. On est chacun dans son propre monde. Mais on est toujours en train de s'entremêler. Deux individus qui s'engueulent, comment ça peut arriver? Ça ne se peut pas dans un monde centré. Ça ne se peut pas. Je n'embarque pas dans votre monde. On ne peut pas s'obstiner, on ne peut pas s'engueuler, il n'y a rien à faire. La personne qui vous coupe en automobile, ça ne vous touche pas, ça ne vous regarde pas. C'est pas, vous êtes dans votre auto, vous en allez. Bon, ça va ralentir un peu, vous repartez après. Ça aurait été un oiseau ou un chien qui serait passé là. Jamais il en aurait voulu. On n'est pas relié karmiquement au chien. Mais quand c'est un chien qui nous coupe, ah ben là, on est relié karmiquement à celui, au chauffeur qui vient de nous couper. Parce que c'est un humain, on part, rien à voir. Êtes-vous capable de supporter les insultes des autres? Ils vous insultent pas. Ils se parlent. Hein? Oui, ils parlent. Imaginez, vous entendez des bruits. Bon, ce bruit-là, là, ça insulte personne, hein? Ça non plus. Ça insulte personne. Si on le module, ça dit, va donc. Mais ça reste que c'était du bruit. Il est modulé maintenant. Puis après, il faut qu'on décide de bloquer totalement sa vie, de perdre son bonheur, de considérer que, quoi, on est centré dans le monde de l'autre. Puis on pense que l'autre, ce qu'il dit, ça a de l'importance. Le pire qui peut arriver, c'est que vous fassiez ce qu'il dit, puis c'est bon pour la santé. Mais la modulation de ces fréquences-là, de ces sons-là, qu'est-ce qu'on vient chercher, comme par exemple, dans une conférence en énergie, et est-ce que ça peut nous amener plus près de la transparence ou du bonheur. Qu'est-ce que ça donne de t'entendre dire ça? Entre le comprendre puis l'entendre, est-ce qu'il y a une utilité à juste l'entendre si on ne l'applique pas? Bon, juste l'entendre sans l'appliquer, oui, il y a une utilité parce que c'est simplement ça permet aux individus, veut pas, énergétiquement, les individus se centrent. C'est-à-dire que ça place des paramètres à l'intérieur de la constitution énergétique des personnes, ce qui fait que progressivement, il y a des choses qui vont se placer. En ésotérisme, on parle de paradisiation. Donc, le paradis, la Jérusalem céleste, c'est le paradis, c'est au niveau de l'astral. Mais ça laisse des espèces de bornes qui font qu'à un moment donné, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans de vie, l'individu va finir par se centrer sur des choses qu'il aura déjà entendues, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'il aura gobé énergétiquement, mais qu'il n'aura pas nécessairement décodé en termes de compréhension. Par contre, ceux qui comprennent, mais qui ne... Ben, la majorité des gens peuvent comprendre l'idée. Mais quand j'ai dit comprendre, c'est pas de bon mot, c'est plutôt appliquer. C'est ça. Ceux qui vont appliquer nécessairement... Pourquoi les gens peuvent appliquer? On n'a pas de débarbite tel quel. Sauf que une conférence, ça fait partie de l'événement de la vie. Ce n'est pas parce que je donne une conférence. Tout ce qui se passe fait partie de l'événement de la vie. Tout ce qui fait partie de l'événement de la vie est nécessairement un élément du casse-tête qui est nécessaire là, quand c'est le temps de. Où on a des problèmes avec les casse-têtes des autres, c'est lorsqu'on se fie uniquement à ce que les autres ont fait. Mais quelqu'un qui vient vous colorer la tête, l'événement fait partie de votre vie. Mais ce que lui a vécu ne fait pas partie de votre vie. Ce que moi je pense de ta cravate ne fait pas partie de ta vie. Mais le fait que je te dise ce que j'en pense fait partie de ta vie. Alors si toi tu prends comme événement, tu ramasses l'énergie, ça va simplement solidifier ton centrage sur toi-même. Alors que si tu te fies à ce que moi je vis, qui n'est pas de ton monde, alors là tu vas peut-être vouloir mettre une cravate qui me plaît. Tu auras accepté qu'une partie de moi vienne diriger ta vie. Mais vous ne pourrez jamais être heureux, toi non plus. C'est toujours être en conflit. Tu ne sauras jamais, à un moment donné, voyons, la partie de l'autre, là, comment elle veut m'habiller. Mais moi, le savoir quand je vois l'autre. Puis pourquoi ça va me toucher? Parce qu'il y a un petit peu de l'autre qui m'habite. Mais jamais assez pour que je le sache, mais assez pour que je le sente. Donc, je suis toujours fait. Une conférence, ça l'amène premièrement beaucoup d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est de l'énergie? Hein? C'est pas palpable. Tout ce qui constitue la création est de l'énergie. Puis même là, l'humain ne sait pas ce que c'est. L'énergie, ce n'est même pas... Quand on parle de photon, le photon, c'est de la lumière. Hein? C'est un corpuscule. Ce n'est même pas de l'énergie. Quand on parle de particules alpha, qui sont finalement des noyaux d'hélium, ce n'est pas de l'énergie. Ça dégage de l'énergie. Le mouvement est de l'énergie, mais le mouvement n'existe pas de par lui-même. On ne constate le mouvement que par le déplacement d'un corps, mais l'énergie du mouvement, on ne la verra jamais. Comme à un moment donné, j'expliquais dans un séminaire, on a de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est quoi? C'est quelque chose, parce que je lève le verre. Il vient de prendre de l'énergie potentielle par rapport au plancher. Si je le lâche, il tombe. Si je le lâche, l'énergie potentielle maintenant sert à quelque chose, mais plus le verre tombe, plus il perd son énergie. Lorsqu'il arrive sur le plancher, il n'a plus d'énergie potentielle, il n'a plus d'énergie cinétique, il est maintenant rendu à un niveau d'entropie, c'est-à-dire un niveau neutre d'énergie. Et ça qui est le problème. Si vous êtes des dieux en puissance, en potentiel, votre énergie potentielle ne vous sert à rien. Si vous l'exprimez, ça devient de l'énergie cinétique, elle vous sert, mais vous la perdez. Ah, ça crée un maudit problème. Ouais, comment tu fais pour la gaspiller ou pour y avoir accès encore? Si tu l'exprimes, t'en as plus. C'est ça qui arrive. Est-ce que c'est pourquoi vous êtes en pleine forme, faites quelque chose. Ça va vous servir, votre pleine forme. Vous allez être épuisé après. Mais est-ce que tu pourrais faire ça autrement? Eh oui. Avoir de l'énergie continuellement, sans la gaspiller, sans la conserver non plus? Ah oui. Comment tu fais? L'être humain qui se centre sur lui-même va finir par... Essayons d'imaginer que l'être humain, c'est un 4 corps terrestre avec des tuyaux à l'intérieur. Les tuyaux sont tous décentrés les uns sur les autres, ce qui fait que l'énergie ne coule jamais convenablement. Elle descend dans le tuyau bleu, elle cherche l'autre humain, c'est son frère et soeur en esprit. Elle coule chez lui, elle cherche l'autre, elle coule, elle passe. Fait que tu as tout un bloc d'humanité qui vont vouloir évoluer ensemble dans un cheminement, mais chacun ne peut pas évoluer à sa façon, chacun est trop intermêlé. Lorsque l'individu se centre sur lui-même, c'est tous les tuyaux finissent par se placer convenablement, puis l'énergie descend directement. Dans le phénomène créationnel, il y a deux choses. Premièrement, il y a une loi qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Du point de vue subatomique, cette loi-là, elle est fausse. L'énergie, elle apparaît, les particules subatomiques se créent et disparaissent. En disparaissant, ils laissent de l'énergie, mais des particules qui peuvent naître sans énergie, il y a une gratuité là-dedans. Ça, on fait référence théoriquement au plan bouddhique, qu'on appelle aussi le plan de l'amour, c'est-à-dire le phénomène de gratuité, sans intention. Donc, il y a apparition, il y a disparition. Lorsque l'être humain est capable de se centrer sur lui-même, il a automatiquement accès à tout ce qu'il est lui. Ce que vous ne connaissez pas de vous, que vous intuitionnez de vous. On a des perceptions un peu de ce que c'est. On a des perceptions traditionnelles, on a des perceptions qui sont individuelles. On ne les croit souvent pas parce qu'on n'arrive pas à les exprimer, à les rencontrer. Mais quand on se centre sur soi, c'est pas long qu'il y a une forme d'énergie qui commence à couler. Cette énergie, c'est l'énergie supramentale de prime abord qui permet à l'humain de devenir son seul maître, c'est-à-dire qui permet à l'humain de savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire. Cette énergie, elle désassujettit totalement l'humain du collectivisme, donc de l'évolution collective des autres. Le désassujettissant, nécessairement, il se détache d'autrui. Nécessairement, il n'est plus l'animal humain. Il devient autre chose. Il n'est pas un robot. Il est ce que dans l'Antiquité on appelait des dieux, il est ce qu'on voudra, c'est pas grave. Là, tu as accès à un réservoir d'énergie qui est tellement plus grand que ce que l'humain a présentement, qu'on peut considérer qu'il est approximativement inépuisable. Mais c'est faux. Il est épuisable, ça prendra quelques milliards d'années, mais il est épuisable. Lorsque l'individu commence à recevoir, donc à laisser descendre, dans l'antique religion, on appelait ça l'Esprit Saint, lorsque l'énergie laisse passer l'intelligence active, l'intelligence supramentale à l'intérieur de lui-même, non seulement il a des réponses s'il a besoin de réponses, mais progressivement, il tombe dans son trou. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des cavités. Bon, je ne veux pas trop compliquer les choses, mais il y a des endroits spatio-temporels, il y a des événements qu'on appelle une vie. Il y a des plans de vie qui s'adressent à chaque individu. Étant donné que bien souvent, nous cohabitons dans différents plans de vie en même temps, nous ne pouvons pas être heureux et nous sommes constamment en friction à l'intérieur de cela. L'individu qui se centre sur lui-même réellement, donc qui se désassujettit du collectivisme, de la mode, ça semble compliqué ce que je dis. Là, on l'explique plus loin. Mais pour le faire, soyez vous-même, appliquez ce que vous voulez vivre sans être manipulé par autrui, par l'opinion d'autrui. Vu qu'il y a des trous des plans de vie, progressivement, l'individu qui se centre sur lui-même finit par se diriger naturellement dans son plan de vie. Dans son plan de vie, il commence à rayonner de l'énergie. C'est-à-dire qu'il commence à créer une forme de synergie, c'est-à-dire qu'il crée un anneau énergétique. L'anneau énergétique fait que ce qui part chez lui crée de l'accomplissement, mais ne va pas vers l'entropie, c'est-à-dire vers le repos. Par l'humain, ça revole en énergie qui est similaire à celle du haut. Ça crée une synergie, un anneau d'énergie. L'anneau d'énergie peut être accéléré, peut être amplifié si 2, 3, 4, 20 000 êtres humains centrés sur eux sont capables de laisser passer leur propre anneau et de créer un anneau qui va être de groupe. Chaque individu est individuel dans sa conscience, mais ils sont capables de travailler synergétiquement en groupe, ce qui accentue, améliore nécessairement les résultats et divise les efforts et le travail. Le bonheur, c'est d'être centré sur soi. Au-delà du bonheur, parce que ce n'est pas la finalité, le bonheur, ce n'est même pas un objectif, et c'est plaisant, maudit. Le bonheur, c'est d'être centré sur soi. Par la suite, il arrive justement où on aura la synergisation qui fait que l'humain, maintenant, n'est plus assujetti à l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Vous êtes en pleine forme, mais ne bougez pas. Vous faites un marathon, vous êtes épuisé. Votre forme, elle est partie. Mais vous avez fait un marathon. Mais si vous êtes épuisé, vous devez maintenant recommencer, regagner de l'énergie pour pouvoir faire quelque chose. l'individu qui se centre sur lui, qui parvient à stimuler l'énergie du bonheur, et il n'a plus besoin de soi. Bon, on va revenir un peu après la pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez et puis Charles va les poser. Juste avant que vous quittiez, je vais vous annoncer que le prochain séminaire de Daniel est le 16 et 17 juin prochain. Pour ceux qui ont des informations, José est à l'extérieur.